Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, une autre nouvelle de l'Afcadio Hearn qui est parue sous le titre des fantômes du Japon dans les maîtres de l'étrange et de la peur. C'est un écrivain irlandais qui prit ensuite la nationalité japonaise sous le nom de Yakumo Koizumi. Il est né en 1850 et il est mort en 1904 à Tokyo. C'est un grand voyageur, journaliste anglo-saxon, traducteur en anglais de Maupassant, Théophile Gautier, Flaubert. Et il s'intéresse pour le moment donc aux histoires traditionnelles japonaises. Ses romans sont également adaptés au cinéma et reçoit le prix du jury au Festival de Cannes en 1965 pour Kwaidan. Voilà, voilà. Je commence. L'histoire de Saul Vert. Saul Vert, c'est, en japonais, c'est Aoyagi. Dans l'ère de Bumei, 1469-1486, un jeune samouraï du nom de Tomodata se trouvait au service du seigneur de Noto. Tomodata était né à Echizen. Mais encore tout enfant, il avait été admis en qualité de page dans le palais du daimyo de Noto. Ce prince le fit instruire afin qu'il pût entrer dans la carrière des armes. Tomotada se montra bon écolier et plus tard bon soldat. Il continua à obtenir la faveur de son maître, aimable, causant bien et très beau garçon. Il était fort admiré et aimé par ses compagnons. Quand le jeune samouraï eut 20 ans, il fut choisi pour accomplir une mission toute particulière auprès du grand daimyo de Kyoto. Ayant reçu l'ordre de voyager par Echizen, Tomotada demanda à obtenir la permission d'aller rendre visite à sa mère qui habitait toujours cette ville. Lorsqu'il se mit en route, il faisait grand froid et le pays était couvert de neige. Bien que son cheval fût vaillant et fort, il dut s'avancer très lentement. La route qu'il suivait traversait un pays de montagnes où les villages étaient peu nombreux et éloignés les uns des autres. Le deuxième jour de son voyage, après une longue et fatigante chevauchée, il fut très contrarié en se rendant compte qu'il ne pourrait arriver à l'endroit où il s'était proposé de passer la nuit qu'après plusieurs heures de marche. Pour comble, une violente tempête de neige se déchaîna et un vent glacial se mit à souffler. Le cheval montrait tous les signes d'un complet épuisement. Soudain, sur le haut d'une colline, au milieu d'un groupe de saules pleureurs, Tomotada aperçut une petite chaumière. Il encouragea avec peine sa monture à avancer jusque la porte de l'humble demeure. Et une fois là, frappa très fort sur les volets que l'on avait fermés à cause de l'ouragan. Une vieille femme vint lui ouvrir. En voyant le bel étranger, elle s'écria: « Oh, quelle pitié de voir un jeune homme voyager ainsi par un temps pareil. Daignez entrer, Seigneur. » Tomotada descendit à terre et conduisit son cheval jusqu'à un hangar situé à l'arrière de l'habitation. Puis il pénétra à l'intérieur de la demeure hospitalière et vit un vieillard et une jeune fille qui se chauffaient près d'un feu de branches de bambou. On l'invita respectueusement à s'approcher de la flambée et les deux vieilles gens s'affairèrent à lui préparer un peu de nourriture. La jeune fille disparut derrière un écran, mais Tomotada avait pu voir, à sa stupéfaction, qu'elle était d'une grande beauté. Bien que ses habits fussent en désordre, il était étonné qu'une aussi belle personne vécu dans un endroit si solitaire et si misérable. Le vieil homme lui dit « Honoré, Seigneur, la neige tombe toujours abondamment et le prochain village est à quelque distance d'ici. Le vent est aigu et la route fort mauvaise. Il serait imprudent de poursuivre votre voyage ce soir. Quoique cette chaumière soit indigne de vous et que nous puissions vous offrir aucun confort, peut-être serait-il plus sage de votre part de demeurer cette nuit sous ce pauvre toit. Nous prendrions grand soin de votre cheval. » Tomotada accepta vivement cette humble proposition. Il était dans son fort intérieur, très heureux, à la pensée de revoir la jeune fille. Un repas simple mais suffisant fut placé devant lui et la jeune personne apparut pour lui servir le vin. Elle s'était revêtue d'une robe d'un lainage rude mais propre et elle avait peigné et arrangé ses longs cheveux. Comme elle se penchait vers le samouraï pour lui remplir son verre, celui-ci constata qu'elle était incomparablement plus belle qu'aucune autre femme qu'il eût jamais vue. Ses moindres gestes et ses moindres mouvements étaient pleins d'une grâce qui le ravissait. Les vieilles gens commencèrent à excuser leur fille en disant « Seigneur, notre enfant Aoyagi a été élevé parmi ces montagnes et elle n'est pas habituée à servir des nobles personnages. Nous vous prions de bien vouloir lui pardonner sa gaucherie et son ignorance. » Tomotada répondit qu'il se tenait pour honoré d'être servi par une si jolie personne. Il ne mangeait presque rien, tout occupé à contempler la jeune fille qui rougissait sous son regard admiratif. La mère lui dit alors « Bon Seigneur, nous espérons que vous essayerez de manger et de boire un peu, quoique notre nourriture soit très simple, car vous avez dû être transi par le souffle glacial du vent. » Alors, pour contenter ses hôtes, Tomotada s'efforça de faire honneur au modeste repas, mais il était sous le charme tout-puissant d'Aoyagi. Il lui adressa la parole et se rendit compte que son parler était aussi mélodieux que son visage était doux. Quoiqu'elle eût été élevée au milieu des montagnes, ses parents avaient dû appartenir à un haut rang car elle avait la tenue et le parler d'une fille de la noblesse. Soudain, il adressa à elle dans un poème, qui était en même temps une question. Inspiré par la joie qui régnait dans son cœur, il lui dit. Alors là, je suis désolée, c'est en japonais, je vais vous laisser la traduction. Tandis que je voyageais pour rendre visite à ma mère, je rencontrais une créature aussi exquise qu'une fleur. C'est à cause de cette charmante personne que je séjourne ici. Belle, pourquoi rougir ainsi avant l'heure de l'aube? Cela peut-il vouloir dire que vous m'aimez? Sans la moindre gêne, elle lui répondit. Toujours en japonais, je suis désolée, mais la traduction est « Si, avec ma manche, je cache la belle et pâle couleur du soleil naissant, peut-être alors, au matin, mon Seigneur demeurera-t-il ici ?» Tomotada comprit par ces mots qu'elle ne refusait pas son admiration. Il fut étonné de l'art avec lequel elle avait su exprimer ses sentiments et ravi de la promesse que contenaient ses vers. Il fut convaincu qu'il ne pouvait espérer rencontrer et encore moins conquérir une jeune fille plus belle et plus spirituelle que cette paysanne. Une voix intérieure semblait lui dire « Saisis la chance que les dieux ont mise sur ton chemin. » Bref, il fut si bien ensorcelé que sans plus de préliminaires, il demanda au vieillard de lui donner leur fille en mariage et leur apprit en même temps son nom et la situation qu'il occupait à la cour du daimyo de Noto. Les vieux parents se prosternèrent devant lui en poussant des exclamations de reconnaissance et d'étonnement. Mais après quelques instants d'hésitation, le père lui répondit « Honoré Seigneur, vous appartenez à un très haut rang. » Et sans doute, vous serez appelé à une position encore plus élevée. La faveur que vous daignez nous faire est trop grande et nous ne pouvons vous exprimer toute la profondeur de notre gratitude. Mais notre enfant ici présente n'est qu'une paysanne d'humble condition. Elle n'a aucune éducation et ne serait guère convenable qu'elle devînt la femme d'un noble samouraï. Il ne faut même pas parler d'une pareille possibilité. Cependant, si notre fille vous plaît, si vous voulez bien lui pardonner ses manières ignorantes et gauches, nous vous la donnons avec plaisir comme fidèle servante. Daignez, dorénavant, agir envers elle comme cela conviendra à votre auguste plaisir. Avant le matin, la tempête s'apaisa et le ciel était clair et sans nuages. Tomotada ne pouvait plus s'attarder. Même si la manche d'Aoyagi cachait à ses yeux la splendeur de l'aube naissante, mais il lui était impossible de se résigner à se séparer de la jeune fille. Et, lorsque tous les préparatifs du voyage furent terminés, il s'adressa aux parents de la façon suivante. Bien que cela puisse paraître ingrat de faire encore une demande après avoir tant reçu, je vous supplie une dernière fois de me donner votre fille en mariage. Il serait difficile pour moi de me séparer d'elle à présent. Et comme elle désire m'accompagner, je puis l'emmener tout de suite avec moi, si vous le permettez. Si vous consentez à ceci, je vous chérirai comme mes propres parents. Mais en tout cas, acceptez, je vous prie, ce pauvre cadeau en retour de votre si cordiale hospitalité. En prononçant ces mots, il plaça devant son hôte une bourse remplie de ryō d'or. Le vieillard la repoussa en disant « Bon Seigneur, cet or ne nous serait d'aucune utilité, tandis que vous en aurez probablement besoin durant votre long et pénible voyage. Nous n'achetons jamais rien et nous ne pourrions pas dépenser autant d'argent ici. Quant à notre fille, nous vous l'avons déjà donnée. Elle vous appartient donc. Vous n'avez pas besoin de nous demander notre consentement pour l'emmener. » Elle nous a déjà dit qu'elle espérait vous suivre et demeurer avec vous en qualité d'humble servante tant que vous pourrez supporter sa présence. Nous sommes trop heureux de savoir que vous daignez l'accepter, car ici, nous ne pourrions lui fournir ni dot ni habits convenables. De plus, étant très âgés, nous devrions en tout cas nous séparer d'elle sous peu. Il est donc fort heureux que vous consentiez à la prendre avec vous. » Ce fut en vain que Tomotada essaya de persuader les vieilles gens à accepter le moindre cadeau. Il comprit qu'ils ne tenaient aucunement à l'argent, mais il vit qu'ils étaient vraiment désireux de lui confier l'avenir et le bonheur de leur fille. Il se décida donc à emmener Aoyagi et il la plaça sur son cheval. Puis il dit adieu aux vieillards en leur renouvelant toute l'expression de sa sincère gratitude. « Honoré Seigneur, déclara le père, c'est nous qui avons raison de vous être reconnaissants. Nous sommes convaincus que vous serez bon pour notre enfant et nous n'avons plus d'inquiétude à son sujet. » Il y a une petite astérix aussi là. Ici, il y a dans le manuscrit japonais original une curieuse interruption dans le cours naturel de la narration. On ne dit rien de plus de la mère de Tomotada, ni des parents d'Aoyagi, ni du daimyo de Noto. Évidemment, l'auteur se lassa de son travail et désira amener aussi vite que possible la conclusion effrayante et surprenante de l'histoire. Voilà, je continue. Cependant, un samouraï ne pouvait se marier sans le consentement de son seigneur. Et Tomotada n'espérait pas obtenir cette autorisation avant d'avoir accompli sa mission. Il craignait, et avec raison, que la beauté d'Aoyagi n'attirât trop l'attention et que l'on essayât par tous les moyens de la lui enlever. Arrivé à Kyoto, il s'efforça de la garder cachée et soustraite aux regards importuns. Mais un jour, un des courtisans du daimyo de Kyoto l'aperçut et apprit quelles étaient ses relations avec Tomotada. Il en parla à son maître qui, jeune et aimant les jolis visages, ordonna qu'Aoyagi fût amené à son palais. On l'y transporta immédiatement sans plus de cérémonie. Tomodata en fut très affligé, mais il se savait impuissant. Il n'était qu'un humble messager, au service d'un daimyo fort éloigné, et il était à la merci d'un seigneur beaucoup plus puissant, dont on ne devait pas contrarier les moindres désirs. De plus, Tomodata comprit qu'il avait agi imprudemment et qu'il s'était attiré son propre malheur, en ayant une compagne secrète malgré la défense du code militaire. Il n'avait plus qu'un espoir, c'était qu'Aoyagi consentirait à s'enfuir avec lui. Après maintes délibérations, il résolut de lui envoyer une lettre. C'était dangereux, car toute missive adressée à la jeune fille pouvait tomber entre les mains du daimyo. Aussi, le seul fait d'écrire une lettre d'amour à une habitante du palais constituait une offense impardonnable. Cependant, il se décida à courir le risque. Il rédigea donc une lettre sous forme d'un poème chinois et il essaya de la lui faire parvenir. Le poème était très court, mais il décrivait toute la profonde douleur ressentie par Tomodata et cause de la perte d'Aoyagi. Donc toujours en japonais, je suis désolée, ou en chinois, je ne vous donne que la traduction. Le jeune prince suit de très près la Vierge brillante, et les larmes de la belle en tombant ont mouillé toutes ses robes. Mais l'auguste seigneur étant devenu amoureux d'elle, la profondeur de son désir est comme la profondeur de la mer. Donc, c'est seulement moi qui suis laissé seul. Il n'y a que moi qui suis laissé à errer solitaire. Le jour qui suivit l'envoi du poème, à la nuit tombante, Tomotada fut prié de se rendre immédiatement devant le daimyo de Kyoto. Le jeune homme comprit que sa lettre avait été interceptée et lue. Il ne pouvait donc espérer échapper au dernier supplice. « Il va décréter ma mort, » pensait-il. « Mais je ne tiens guère à vivre si Aoyagi ne m'est pas rendue. » Et si je suis condamné à mourir, je puis au moins essayer de tuer le daimyo. Ce disant, il glissa son sabre dans sa ceinture et se hâta vers le palais seigneurial. En pénétrant dans la salle d'audience, Tomotada vit le daimyo assis sur un trône, entouré de tous les samouraïs du plus haut rang, vêtus de leurs habits et bonnets de cérémonie. Tous étaient immobiles comme des statues. Tomotada s'avança pour se prosterner et le silence intense lui fit l'effet sinistre d'un grand calme avant une tempête. Mais, soudain, le daimyo descendit de son trône et posant sa main sur le bras de Tomotada, il commença à réciter les paroles du poème. Koshi Oson, etc. Et le jeune homme, levant la tête, vit que les yeux du prince étaient pleins de larmes bienveillantes. Et le daimyo dit « Comme vous vous aimez tous deux si profondément, j'ai pris sur moi, au lieu de mon parent le seigneur de Noto, d'autoriser votre mariage. Vos noces vont être célébrées devant moi. Les invités sont présents et les cadeaux sont prêts. Sur un signal du daimyo, les écrans cachant une chambre voisine furent repoussés et Tomotada aperçut Aoyagi qui, au milieu de plusieurs dignitaires de la cour, l'attendait, vêtu de ses habits de mariée. C'est ainsi qu'elle lui fut rendue. Le mariage fut joyeux et splendide, et de riches cadeaux furent offerts au jeune couple par le seigneur de Kyoto et ses innombrables courtisans. Tomotada et Aoyagi vécurent ensemble pendant 4 ans. Ils furent tout à fait heureux. Mais un matin, tandis qu'elle consultait son mari à propos de quelques détails de ménage, Aoyagi poussa soudain un grand cri de douleur et devint blanche et immobile. « Pardonnez-moi d'avoir crié aussi fort et aussi impoliment, mais je n'ai pu m'en empêcher. La douleur était si imprévue. Mon cher mari, notre rencontre a dû être amenée grâce à quelques relations dans une existence première. Nous serons ainsi réunis, je suis sûre, dans plus d'une vie à venir. Mais quant à notre existence actuelle, je sens que nos rapports sont terminés. Nous allons bientôt être séparés. Répétez, je vous prie, à mon intention, la prière du Nembutsu. Je suis mourante. » Quelles folles et étranges idées, s'écria Tomotada, très effrayé. Vous êtes mon aimé sous l'empire d'un malaise chimérique. Étendez-vous, et après le repos, vous vous sentirez mieux. Non, répondit-elle, non, je me meurs. Ce n'est point imaginaire, je le sais. Il est inutile de vous cacher plus longtemps la vérité. Je ne suis pas un être humain. Mon âme est l'âme d'un arbre, mon sang est la sève d'un saule pleureur. En ce moment cruel, quelqu'un est en train d'abattre mon arbre. Voilà pourquoi je meurs. Même les larmes me fatiguent. Répétez vite, vite la prière du Nembutsu. Ah, ah. Poussant un dernier cri d'angoisse, elle détourna la tête et essaya de cacher son beau visage avec la manche de son habit. Au même instant, toute sa silhouette parut s'effacer de la manière la plus étrange et s'effondrer de plus en plus bas jusqu'au ras du plancher. Tomotada s'élança pour la soutenir. Mais il n'y avait rien à soutenir. Sur la natte étaient étendues les robes vides de la charmante jeune femme et les ornements qui avaient paré ses cheveux. Le corps avait disparu. Tomotada se rasa la tête, se fit bouddhiste et devint un prêtre errant. Il voyagea à travers toutes les provinces de l'Empire et, à chaque lieu saint qu'il visitait, il offrait des prières pour l'âme d'Aoyagi. Arrivant à Echizen, dans le cours de son pèlerinage, il rechercha la demeure des parents de sa bien-aimée. Mais lorsqu'il parvint à l'endroit solitaire parmi les montagnes où s'élevait autrefois la chaumière, il trouva qu'elle n'existait plus. Rien même ne marquait le lieu où elle avait été, excepté les troncs de trois saules pleureurs, deux vieux arbres et un tout jeune, qui avait été abattu bien avant son arrivée. Au pied de ces saules, Tomotada fit ériger un monument funéraire sur lequel étaient inscrits divers textes sacrés. Et il célébra nombre de services bouddhistes pour le repos des esprits d'Aoyagi et de ses parents. Voilà, voilà, une très belle histoire de Dame des arbres. Un saule pleureur. Voilà. Eh bien, à savoir aussi que saule vert, le prénom de Aoyagi, est toujours courant au Japon. Voilà, il y a plein de saules verts au Japon. À tout bientôt sur Radio Gemozo. Je vais vous laisser avec une musique japonaise, bien sûr. À bientôt.